ta chronique des castors de debout avec notre ami Daniel Tremblay. Salut Daniel. Salut Daniel. Oui, ça va bien Daniel. Comment c'était le tournoi? Là? Je n'aimerais pas la ville. Là. J'ai de la misère avec le nom de la ville. Saint-Marc de quoi? Saint-Marc-des-Carrières. Honnêtement, là, je connais quand même. Je connais un petit peu de Québec, là, mais Saint-Marc-de-Carrières, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est-tu une ville à peu près gros comme Normandin? Écoute, c'est à peu près gros comme Albanel. Oui, monsieur, OK. En fait, oui, il y a à peu près 2800 personnes okay. Environ. Par contre, ben, c'est très bien centré. Là. C'est le long de l'autoroute. C'est à 6 km, un embranchement à 6 km de l'autoroute 40 entre Québec et Trois-Rivières. Okay. Donc, il y a quand même beaucoup de trafic qui vont arriver, beaucoup de gens qui passent par là quand même. Ils ont, au niveau des infrastructures, au niveau des commerces, au niveau de là, okay. Ça demeure vraiment plus gros qu'Albanel, là, tant qu'à ça, là. Mais non, c'est un très, très bel endroit. Et puis ça a bien été pour là ça. Ben écoute, on a gagné notre premier match, on a gagné notre deuxième match, on a gagné notre troisième match. Le quatrième match en demi-finale, malheureusement, le dimanche midi, on a perdu en fusillade. On menait 43-14, les lancers. 43-14, oui. Oui, oui, oui, c'est ça, ça voulait pas faire. Il y a rien que la rondelle faisait pas. Des fois, on dit le goaler court après la rondelle, mais là, c'était la rondelle qui courait après le gardien. C'était un match de toute beauté. L'équipe a été extrêmement surpris de nous battre. Ils pensaient jamais de nous battre parce qu'on avait vraiment joué un excellent tournoi. Les joueurs ont... J'ai que des félicitations à leur faire, tant sur la patinoire qu'à l'extérieur de la patinoire. C'est un modèle d'équipe. Je te dis, les jeunes sont vraiment... Les jeunes et les parents, parce qu'il y avait quand même beaucoup de parents. Ça a été un... On a passé pour des modèles. C'était vraiment super intéressant. Le match, ben écoute, on a fait 10 minutes de prolongation. On n'a pas pu faire de mètre. Mmh. On a dû passer 9 minutes sur 10 dans leur zone en prolongation à 4 contre 4. On n'a pas pu faire de mètre. Puis en fusillade, ben ils nous ont eu en fusillade deux très beaux buts qu'ils ont fait là. Fait qu'il n'y avait rien à faire. Mais écoute, je suis 100% satisfait de la tenue des joueurs, de la tenue de l'équipe. Ça a été tout a été numéro okay. 1. Les deux matchs, tu sais, on s'en parlait là, la semaine passée, les deux matchs en partant, fait que ça vous avez pas eu dans le corps partout. Pas du tout. Ben écoute, le premier match, on a gagné, je crois que c'est 5-2 le premier match. Puis le deuxième match, le soir à 9h, on a gagné 6-0. Puis ils ont arrêté de chronométrer la troisième période à un moment donné. Là, quand il y a 5 buts différents en troisième, ils arrêtent de chronométrer. Puis tu sais, c'est quand même des parties qui jouent très rapidement parce que c'est 2-10 et 1-12 chronométrés. Donc ça va vite en colline, tu peux pas te permettre d'erreur. Après ça, ben écoute, là-bas, c'est très, très bien organisé. On a été extrêmement bien arbitré. Tout est okay, parfait. Okay. En fin de semaine, malheureusement, encore un seul match. On joue samedi après-midi, samedi à midi et demi à Normandin contre les ambassadeurs de Chibougamo. Donc, ça devrait être un match intéressant. Les ambassadeurs jouent, eux, demain soir à Saint-Pierre. Okay. Puis le lendemain, ils viennent à Normandin pour le seul match, encore une fois, qu'on a en 20 ans. OK. Donc, on se reparle jeudi prochain, même poste. Parfait, voilà, donc c'est l'instructeur chef des castors, Daniel.